22-9, activation orale, faire plaisir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Ils ont reçu ta lettre. Et vous dites. Elle leur a fait plaisir. 2. J'ai reçu ton cadeau. Il m'a fait plaisir. 3. Nous avons reçu tes chocolats. Ils nous ont fait plaisir. 4. Robert a reçu mon coup de téléphone. Ça lui a fait plaisir. 5. Mireille a reçu votre télégramme. Il lui a fait plaisir. 6. Les vélos ont reçu ma lettre. Elle leur a fait plaisir.